Richesse intérieure. Un homme de grande spiritualité, un sage, approchait la périphérie d'un village en Inde. Il s'installait pour la nuit sous un arbre, quand soudain un villageois, courant vers lui, lui cria « la pierre, donnez-moi la pierre précieuse !»« Quelle pierre ?» demanda le sage. « La nuit dernière, le seigneur Shiva m'est apparu en rêve, » dit le villageois, « et me dit que si j'allais à la périphérie du village à la tombée de la nuit, je trouverais un sage qui me donnerait une pierre précieuse qui me rendrait riche pour le restant de ma vie. » Le sage fouilla dans son sac et en sortit une pierre. « Il voulait probablement dire celle-ci, » dit-il en tendant la pierre au villageois. « Je l'ai trouvée dans un sentier de la forêt, il y a quelques jours. « Tenez, je vous la donne, » dit le sage en toute simplicité. Le villageois regarda la pierre précieuse avec émerveillement. C'était probablement le plus gros diamant du monde. Il prit le diamant et s'éloigna rapidement. Toute la nuit, il se retourna dans son lit, incapable de dormir. Le lendemain, dès l'aube, il éveilla le sage et lui demanda « Donnez-moi la richesse intérieure qui vous permet de donner ce diamant avec autant d'aisance. »